Œuvre complète de Lamartine publiée et inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Siri, Galilée, suite. 20 octobre 1832. À la sortie de Nazareth, nous côtoyons une montagne revêtue de figuiers et de nopals. À gauche s'ouvre une vallée verte et ombreuse, une jolie maison de campagne, rappelant à l'œil nos maisons d'Europe, est assise seule sur une des pentes de cette vallée. Elle appartient à un négociant arabe de Saint-Jean d'Acre. Les Européens ne courent aucun danger dans les environs de Nazareth, une population presque toute chrétienne est à leur service. En 2 heures de marche, nous atteignons une série de petites vallées circulant gracieusement entre des monticules couverts de belles forêts de chênes verts. Ces forêts séparent la plaine de Caïfa du pays de Nazareth et du désert du mont Tabor. Le mont Carmel, chaîne élevée de montagnes qui part du cours du Jourdain et vient finir à pic sur la mer, commence à se dessiner sur notre gauche. Sa ligne, d'un vert sombre, se détache sur un ciel d'un bleu foncé tout ondoyant de vapeurs chaudes, comme la vapeur qui sort de la gueule d'un four. Ses flancs ardus sont semés d'une forte et mâle végétation. C'est partout une couche fourrée d'arbustes, dominée çà et là par les têtes élancées des chênes, des roches grises, taillées par la nature en formes bizarres et colossales, percent de temps en temps cette verdure, et réfléchissent les rayons éclatants du soleil. Voilà l'aspect que nous avions à perte de vue sur notre gauche. À nos pieds, les vallées que nous suivions descendaient en douce pente, et commençaient à s'ouvrir sur la belle plaine de Caïfa. Nous gravissions les derniers mamelons qui nous en séparaient, et nous ne la perdions de vue un moment que pour la retrouver bientôt. Ces mamelons, entre la Palestine et la Syrie maritime, sont un des sites les plus doux et les plus solennels à la fois que nous ayons contemplés. Çà et là, les forêts de chênes abandonnées à leur seule végétation forment des clairières étendues, couvertes d'une pelouse aussi veloutée que dans nos prairies d'Occident. Derrière la cime du Tabor s'élève comme un majestueux autel couronné de guirlandes vertes dans un ciel de feu. Plus loin, la cime bleue des monts de Gelboé et des collines de Samarie tremble dans le vague de l'horizon. Le Carmel jette son rideau sombre et grand pli sur un des côtés de la Seine, et le regard, en le suivant, arrive jusqu'à la mer, qui termine tout, comme le ciel dans les beaux paysages. Combien de sites n'ai-je pas choisi là, dans ma pensée, pour y élever une maison, une forteresse agricole, et y fonder une colonie avec quelques amis d'Europe et quelques centaines de ces jeunes hommes déshérités de tout avenir dans nos contrées trop pleines. La beauté des lieux, la beauté du ciel, la fertilité prodigieuse du sol, la variété des produits équinoxiaux qu'on peut y demander à la terre, la facilité de s'y procurer des travailleurs à bas prix, le voisinage de deux plaines immenses, fécondes, arrosées et incultes, la proximité de la mer pour l'exportation des denrées, la sécurité qu'on obtiendrait aisément contre les Arabes du Jourdain, en élevant de légères fortifications à l'issue des gorges de ces collines. Tout m'a fait choisir cette partie de la Syrie pour l'entreprise agricole et civilisatrice que j'ai arrêtée depuis. Même date, le soir, nous avons été surpris par un orage au milieu du jour. J'en ai peu vu de si terrible. Les nuages se sont élevés perpendiculairement, comme des tours, au-dessus du mont Carmel, bientôt ils ont couvert toute la longue crête de cette chaîne de montagnes. La montagne, tout à l'heure si sereine et si éclatante, a été plongé peu à peu dans des vagues roulantes de ténèbres fendues çà et là par des traînées de feu. Tout l'horizon s'est abaissé en peu de moments, et s'est rétréci sur nous. Le tonnerre n'avait point d'éclat, c'était un seul roulement majestueux, continu, et assourdissant comme le bruit des vagues au bord de la mer, pendant une forte tempête. Les éclairs ruisselaient véritablement, comme des torrents de feu du ciel, sur les flancs noirs du Carmel, les chaînes de la montagne et ceux des collines, où nous étions encore, ployaient comme des roseaux. Le vent qui sortait des gorges et des cavernes nous aurait renversés, si nous n'étions pas descendus de nos chevaux, et si nous n'avions pas trouvé un peu d'abri derrière les parois d'un rocher, dans le liasec d'un torrent. Les feuilles sèches, soulevées par l'orage, roulaient sur nos têtes comme des nuages, et les rameaux d'arbres pleuvaient autour de nous. Je me souvins de la Bible et des prodiges d'Élie, ce prophète exterminateur sur sa montagne. Sa grotte n'était pas loin. L'orage ne dura qu'une demi-heure. Nous bûmes l'eau de sa pluie, recueillie dans les couvertures de feutre de nos chevaux. Nous nous reposâmes quelques moments, à peu près à moitié chemin de Nazareth à Caïpha, et nous reprîmes notre route en longeant le pied du mont Carmel, la montagne sur notre gauche, une vaste plaine avec une rivière à droite. Le Carmel, que nous suivîmes ainsi pendant environ 4 heures de marche, nous présenta partout le même aspect sévère et solennel. C'est un mur gigantesque et presque à pic, revêtu partout d'un lit d'arbustes et d'herbes odoriférantes. Nulle part la roche n'y est à nu. Quelques débris, détachés de la montagne, ont glissé jusque dans la plaine. Ils sont comme des citadelles données par la nature pour servir de base et d'abri à des villages d'Arabes cultivateurs. Nous ne rencontrâmes qu'un de ces villages, 2 heures environ avant d'apercevoir la ville de Caïpha. Les maisons sont basses, sans fenêtres, et couvertes d'un terrassement qui les garantit de la pluie. Au-dessus, les Arabes élèvent, en feuillage soutenu par des troncs d'arbres, un second étage de verdure qu'ils habitent pendant l'été. Ces terrasses étaient couvertes d'hommes et de femmes qui nous regardaient passer, et nous criait des injures. L'aspect de cette population est féroce. Aucun d'eux pourtant n'osa descendre du même long pour nous insulter de plus près. À 7 heures, nous approchions de Caïpha, Haïfa, dont les dômes, les minarets et les murailles blanches forment, comme dans toutes les villes de l'Orient, un aspect brillant et gai à une certaine distance. Caïpha s'élève au pied du Carmel, sur une grève de sable blanc, au bord de la mer. Cette ville forme l'extrémité d'un arc, dont Saint-Jean d'Acre est l'autre extrémité. Un golfe de 2 lieues de large les sépare. Ce golfe est un des plus délicieux rivages de la mer sur lesquels l'œil des marins puisse se reposer. Saint-Jean d'Acre, avec ses fortifications dentelées par le canon d'Ibrahim Pacha et de Napoléon, avec le dôme percé à jour de sa belle mosquée écroulée, avec les voiles qui entrent et sortent de son port, attire l'œil sur un des points les plus importants et les plus illustrés par la guerre. Au fond du golfe, une vaste plaine cultivée, le mont Carmel jetant sa grande ombre sur cette plaine, puis Caïpha, comme une sœur de Saint-Jean d'Acre, embrassant l'autre côté du golfe, et s'avançant dans la mer avec son petit môle, où se balancent quelques briques arabes. Au-dessus de Caïpha, une forêt de gros oliviers, plus haut encore, un chemin taillé dans le roc, aboutissant au sommet du cap du Carmel. Là, 2 vastes édifices couronnant la montagne. L'un, maison de plaisance d'Abdallah, pacha d'Acre. L'autre, couvent des religieux du mont Carmel, élevé récemment par les aumônes de la chrétienté, et surmonté d'un large drapeau tricolore, pour nous annoncer l'asile et la protection des Français. Un peu plus bas que le couvent, d'immenses cavernes creusées dans le granit de la montagne, ce sont les fameuses grottes des prophètes. Voilà le paysage qui nous frappe en entrant dans les rues poudreuses et étroites de Caïfa. Les habitants étonnés regardaient avec terreur défiler notre longue caravane. Nous ne connaissions personne. Nous n'avions aucun gîte, aucune hospitalité à réclamer. Le hasard nous fit rencontrer un jeune piémontais qui faisait les fonctions de vice-consul à Caïfa, depuis la prise et le renversement d'Acre. Monsieur Bianco, consul de Sardaigne en Syrie, lui avait écrit à notre insu, et l'avait prié de nous accueillir si nous venions à passer par Caïfa. Il nous aborda, s'informa de nos noms, et nous conduisit à la porte de la petite maison en ruine où il vivait avec sa mère et deux jeunes sœurs. Nous laissâmes nos chevaux et nos arabes camper sur le bord de la mer, près de la ville, et nous entrâmes chez Monsieur Malagamba. C'est le nom de ce jeune et aimable vice-consul, le seul Européen qui reste dans ce champ de bataille désolé, depuis la ruine complète d'Acre par les Égyptiens. Une petite cour, un escalier en bois, conduisent à une petite terrasse recouverte en feuilles de palmier. Derrière cette terrasse, deux chambres nues et environnées seulement d'un divan, seul meuble indispensable du riche et du pauvre dans tout l'Orient. Quelques pots de fleurs sur la terrasse, une volière peuplée de jolies colombes grises, nourries par les sœurs de Monsieur Malagamba. Des étagères autour des murs, sur lesquelles sont rangées avec ordre des tasses, des pipes, des verres à liqueur, des cassolets d'argent pour les parfums, et des crucifix de bois incrustés de nacre, faits à Bethléem. Voilà tout l'ameublement de cette pauvre maison, où une famille délaissée représente, pour 1000 piastres de traitement, environ 300 francs, une des puissances de notre Europe. Madame Malagamba, la mère, nous reçut avec les cérémonies usitées dans le pays. Elle nous présenta les parfums et les eaux de senteur, et nous étions à peine assis sur le divan, essuyant la sueur de nos fronts, que ses filles, deux apparitions célestes, sortirent de la chambre voisine, et nous présentèrent l'eau de fleurs d'oranger et les confitures, sur des plateaux de porcelaine de la Chine. L'empire de la beauté est tel sur notre âme, que, quoique dévorés de soif et accablés d'une marche de 12 heures, nous serions restés en contemplation muette devant ces deux jeunes filles sans porter le verre à nos lèvres, si la mère ne nous eût pressés par ses instances d'accepter ce que ces filles nous présentaient. L'Orient tout entier était là, tel que je l'avais rêvé dans mes belles années, la pensée remplie des images enchantées de ses conteurs et de ses poètes. L'une des jeunes filles n'était qu'un enfant, ce n'était que l'accompagnement gracieux de sa sœur, comme ces images qui en reflètent une autre. Après nous avoir offert tous les soins de l'hospitalité la plus simple et la plus poétique cependant, les jeunes filles vinrent reprendre aussi leur place à côté de leur mère, sur le divan, en face de nous. C'est ce tableau que je voudrais pouvoir rendre avec des paroles, pour le conserver dans ces notes comme je le vois dans ma pensée, mais nous avons en nous de quoi sentir la beauté dans toutes ses nuances, dans toutes ses délicatesses, dans tous ses mystères, et nous n'avons qu'un mot vague et abstrait pour dire ce qu'est la beauté. C'est là le triomphe de la peinture, elle rend un trait, elle conserve pour des siècles cette impression ravissante d'un visage de femme, dont le poète ne peut que dire, elle est belle, et il faut le croire sur parole, mais sa parole ne peint pas. La jeune fille était donc assise sur les tapis, Les jambes repliées sous elle, le coude appuyé sur les genoux de sa mère, le visage un peu penché en arrière, tantôt levant ses yeux bleus pour exprimer à sa mère son naïf étonnement de notre aspect et de nos paroles, tantôt les reportant sur nous avec une curiosité gracieuse, puis les abaissant involontairement et les cachant sous les longues soies de ses cils noirs, pendant qu'une rougeur nouvelle colorait ses joues, ou qu'un léger sourire mal contenu effleurait ses lèvres. Notre singulier costume était nouveau pour elle, et la bizarrerie de nos usages lui causait un étonnement toujours nouveau. Sa mère lui faisait en vain signe de ne pas témoigner sa surprise, de peur de nous offenser. La simplicité et la naïveté de ses impressions se faisaient jour malgré elle sur cette figure de 16 ans, et son âme se peignait dans chaque expression de ses traits avec une telle grâce, avec une telle transparence, qu'on voyait sa pensée sous sa peau avant qu'elle en eût elle-même la conscience. Le jeu des rayons du soleil, qui glisse à travers l'ombre sur une eau limpide, est moins mobile et moins transparent que cette physionomie. Nous ne pouvions en détacher nos yeux, et nous étions déjà reposés par le seul aspect de cette figure, qu'aucun de nous n'oubliera jamais. Mademoiselle Malagamba a ce genre de beauté que l'on ne peut guère rencontrer que dans l'Orient. La forme accomplie, comme elle l'est dans la statue grecque, l'âme révélée dans le regard, comme elle l'est dans les races du Midi, et la simplicité dans l'expression, comme elle n'existe plus que chez les peuples primitifs, quand ces trois conditions de la beauté se rencontrent dans une seule figure de femme, et s'harmonisent sur un visage avec la première fleur de l'adolescence, quand la pensée rêveuse errante dans le regard éclaire doucement, de ses rayons humides, des yeux qui se laissent lire jusqu'au fond de l'âme, parce que l'innocence ne soupçonne rien à voiler, quand la délicatesse des contours, la pureté virginale des lignes, l'élégance et la souplesse des formes, révèlent à l'œil cette voluptueuse sensibilité de l'être né pour aimer, et mêle tellement l'âme et les sens, qu'on ne sait, en regardant, si l'on sent ou si l'on admire, alors la beauté complète, et l'on éprouve à son aspect cette complète satisfaction des sens et du cœur. Cette harmonie de jouissance qui n'est pas ce que nous appelons l'amour, mais qui est l'amour de l'intelligence, l'amour de l'artiste, l'amour du génie pour une œuvre parfaite. On se dit, il fait bon ici, et l'on ne peut s'arracher de cette place où l'on vient de s'asseoir tout à l'heure avec indifférence, tant le beau est la lumière de l'esprit et l'invincible attrait du cœur. Son costume oriental ajoutait encore au charme de sa personne. Ses longs cheveux, d'un blond foncé légèrement doré, étaient nattés sur sa tête en mille tresses qui retombaient des deux côtés sur ses épaules nues. Un confus mélange de perles, de sequins d'or enfilés, de fleurs blanches et de fleurs rouges, était répandu sur ses cheveux, comme si une main pleine de ce qu'elle aurait puisé dans un écrin s'était ouverte au hasard sur ses têtes, et y avait laissé tomber sans choix cette pluie de fleurs et de bijoux. Tout lui allait bien, rien ne peut déparer une tête de 15 ans. Sa poitrine était découverte, selon la coutume des femmes d'Arabie. Une tunique de mousseline brodée de fleurs d'argent était nouée par un châle autour de sa ceinture. Ses bras étaient passés dans les manches flottantes et ouvertes jusqu'au coude d'une veste de drap vert, dont les deux basques pendaient librement sur les hanches. De larges pantalons à mille plis complétaient ce costume. Et ses jambes nues étaient embrassées au-dessus de la cheville du pied par deux bracelets d'argent ciselés. L'un de ces bracelets était orné de petits grelots d'argent, dont le bruit accompagna le mouvement de ses pieds. Aucun poète n'a jamais dépeint une si ravissante apparition. L'idée de Lord Byron, dans Don Juan, a quelque chose de Mademoiselle Malagamba, mais elle est loin encore de cette perfection de grâce, d'innocence, de douce confusion, de voluptueuse langueur et d'éclatante sérénité, qui se confondent dans ses traits encore enfantins. Je la grave dans mon souvenir pour la peindre plus tard, comme le type de la beauté et de l'amour pur, dans le poème où je veux consacrer mes impressions. Ce devait être un beau tableau à faire pour un peintre, s'il y en eût eu un parmi nous, que cette scène de voyage, nos costumes turcs, riches et pittoresques, nos armes de toute espèce, répandues sur le plancher autour de nous, nos lévriers couchés à nos pieds, ces trois figures de femmes accroupies en face de nous sur un tapis d'Alep, leurs attitudes pleines de simplicité, d'étrangeté et d'abandon, l'expression de leur physionomie pendant que je leur racontais mes voyages, ou que nous comparions nos usages d'Europe avec le genre d'hospitalité qu'elle nous offrait. Les cassolettes de parfum qui brûlaient dans un coin en embaumant l'air du soir, les formes antiques des vases dans lesquels on nous offrait le sorbet ou les boissons aromatisées, tout cela au milieu d'une chambre délabrée, ouverte sur la mer, et où les branches d'un palmier, croissantes dans la cour, s'introduisaient par de larges ouvertures sans fenêtres. Je regrette de ne pas emporter ce souvenir pour mes amis, comme je l'emporte dans mon imagination. Madame Malagamba, la mère est grecque, est née dans l'île de Chypre, elle y épousa, à 14 ans, Monsieur Malagamba, riche négociant franc, qui était en même temps consul à Larnaca. Des malheurs et des révolutions renversèrent la fortune de Monsieur Malagamba. Il vint chercher une petite place d'agent consulaire à Acre, et il mourut, laissant sa femme et ses quatre enfants dans le dénuement le plus absolu. Son fils, jeune homme remarquable par l'honnêteté et l'intelligence, fut employé par quelques consuls, et obtint enfin la place d'agent consulaire de Sardaigne à Caïfa. C'est avec les faibles appointements de cet emploi précaire qu'il soutient sa mère et ses sœurs. La sœur aînée de Mademoiselle Malagamba, aussi belle que celle que nous avons tant admirée, avait inspiré, nous dit-on, une telle passion à un des jeunes religieux du couvent de Caïfa, qui avait eu occasion de la voir de la terrasse du couvent, qu'il s'était enfui sur un bâtiment anglais, avait embrassé la religion protestante afin de pouvoir la demander en mariage, et avait tenté tous les moyens de l'enlever sous divers déguisements. On le croyait encore, à cette époque, caché dans quelques villes de la côte de Syrie pour exécuter son projet, mais les autorités turques veillaient à la sûreté de cette famille, et si les moines, qui exercent sur les religieux de leur ordre la justice la plus arbitraire et la plus inflexible, parvenaient à découvrir le fugitif, il expirait, dans une éternelle captivité, l'amour insensé que cette beauté fatale a allumé dans son cœur. Nous ne vîmes point cette sœur. La nuit tombait. Il fallait enfin nous arracher à l'enchantement de cette réception, et aller chercher un asile au couvent du Mont Carmel. Monsieur Malagamba était allé prévenir les pères des hôtes nombreux qui leur arrivaient. Nous nous levâmes, et nous fûmes forcés, pour obéir aux usages du pays, de laisser Madame et Mademoiselle Malagamba approcher leurs lèvres de nos mains, et nous remontâmes à cheval. Le Mont Carmel commence à s'élever, à quelques minutes de marche de Caïfa. Nous le gravîmes par une route assez belle, taillée dans le rocher sur la pointe même du cap. Chaque pas que nous faisions nous découvrait un horizon nouveau sur la mer, sur les collines de la Palestine et sur les rivages de l'Idumée. À moitié chemin, nous rencontrâmes un des pères du Carmel, qui, depuis 40 ans, habite une petite maisonnette qui sert d'hospice aux pauvres dans la ville de Caïfa, et qui monte et descend deux fois par jour la montagne, pour aller prier avec ses frères. La douce expression de sérénité d'âme et de gaieté de cœur qui brillait dans tous ses traits nous frappa. Ces expressions de bonheur paisible et inaltérable ne se rencontrent jamais que dans les hommes à vie simple et rude et à généreuse résolution. L'échelle du bonheur est une échelle descendante. On en trouve bien plus dans les humbles situations de la vie que dans les positions élevées. Dieu donne aux uns en félicité intérieure ce qu'il donne aux autres en éclat, en nom, en fortune. J'en ai fait maintes fois l'épreuve. Entrez dans un salon, cherchez l'homme dont le visage respire le plus de contentement intime, demandez son nom. C'est un inconnu, pauvre et négligé du monde. La providence se révèle partout. À la porte du beau monastère qui s'élève aujourd'hui, tout construit à neuf, tout éblouissant de blancheur, sur le sommet le plus aigu du cap du Carmel, deux pères nous attendaient. C'étaient les seuls habitants de cette vaste et magnifique retraite de cénobites. Nous fûmes accueillis par eux comme des compatriotes et des amis. Ils mirent à notre disposition trois cellules pourvues chacune d'un lit, meubles rares en Orient, d'une chaise et d'une table. Nos Arabes s'établirent avec nos chevaux dans les vastes cours intérieures du monastère. On nous servit un souper composé de poissons frais et de légumes cultivés parmi les rochers de la montagne. Nous passâmes une soirée délicieuse, après tant de fatigue, assis sur les larges balcons qui dominent la mer et les cavernes des prophètes. Une lune sereine flottait sur les vagues, dont le murmure et la fraîcheur montaient jusqu'à nous. Nous nous promîmes de passer dans cet asile la journée du lendemain, pour reposer nos chevaux et refaire nos provisions. Nous allions entrer dans une contrée nouvelle, où nous ne trouverions plus ni ville ni village, rarement des sources d'eau douce. Nous voyons cinq journées de désert s'étendre devant nous. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.